je laisse les jaloux parler, prier pour que je perce pas. Les critiques me renforcent, prendra de la force pour me tirer vers le bas. J'arrive en tant qu'inconnu pour gonfler mes statistiques. Je reste indépendant, je m'en tape de ton directeur artistique. C'est pas un sport d'équipe, on connaît pas le mot solidaire. Je reste terre à terre, je préfère me taire et rester solitaire. Je laisse gun et bling bling à ceux que ça fascine. J'ai pas le style qui tue, j'ai pas non plus la rime qui assassine. On tente d'écrire, de décrire ce qu'on vit ici. Comme y'a peu d'écoute, c'est normal qu'on rap, on s'initie. Je reste fidèle à moi-même et à mon mode de vie. Si tu me trahis, tu seras haï, gars. Tu connais notre devise, on reste simple ici. Pas d'ego surdimensionné. En studio ou dans la vie, on change pas notre manière de fonctionner. Pas de pression particulière, pas de véritable enjeu. Je veux faire avancer les choses, préviens-les de mon entrée en jeu. J'apporte une touche de réel, une touche de modestie. Fidèle à moi-même, car la plupart ici me sous-estiment. Pas question que j'improvise, j'arrive à l'improvise. Tout est calculé, car j'ai pigé que le plus malin profite. J'apporte une touche de réel, une touche de modestie. Fidèle à moi-même, car la plupart ici me sous-estiment. Pas question que j'improvise, j'arrive à l'improvise. Tout est calculé, car j'ai pigé que le plus malin profite. J'arrive sans faire de bruit, car beaucoup causent trop fort. L'espace est réduit, dans le rap c'est mort. Si t'es claustrophobe, on rêve tous de percer et toucher le jackpot. J'oublie pas d'où je viens, si je réussis, je ferai croquer chaque pote. Le manque de confiance et d'amour me désoxygène. On se rejette la faute, on dit que ce sont toujours les autres qui gênent. Parisien, je dédie ce texte au quartier d'Île-de-France. Pour ceux qui galèrent, qu'on parle compte en banque de Cécile de France. Je fais mon chemin, même si beaucoup nous ont pris pour des chèvres. Au pied du mur, je sais que personne me fera la courte échelle. Je reste moi-même, je te vendrai pas du rap qui horrifie. Je suis bouillant au départ, mais le manque de place me frigorifie. Je suis encore loin, je dois progresser, donc critique pas garçon. Ça demande maîtrise et technique comme au cheval d'Arçon. Bien entouré, je préfère être seul comme a cappella. Rendez-moi service si vous voyez ma chance, attrapez-la. J'apporte une touche de réel, une touche de modestie. Fidèle à moi-même, car la plupart ici me sous-estiment. Pas question que j'improvise, j'arrive à l'improvise. Tout est calculé, car j'ai pigé que le plus malin profite. J'apporte une touche de réel, une touche de modestie. Fidèle à moi-même, car la plupart ici me sous-estiment. Pas question que j'improvise, j'arrive à l'improvise. Tout est calculé, car j'ai pigé que le plus malin profite. Je me fous d'être le numéro 1 ou sur le devant de la scène. Je veux juste trouver les bons mots pour plus que ce monde la saigne. Je te raconterai pas mes exploits ni mes péripéties. Je suis pas trop freestyle, je préfère travailler des récits précis. Moi je suis là hélas, de voir qu'on se prélasse et passe. Notre temps à se plaindre alors que chez nous c'est pas les favelas. Je suis pas là pour changer, oublier mes fréquentations. Je reste fidèle à moi-même même si ma cote est en augmentation. J'avance mais la réussite est trop lenta. Mon goût, donc fais ce que je peux, je me débrouille comme dans Koh-Lanta. Je dors pas, je m'entraîne chaque année de août à août. Dans le rap je compte bien m'installer malgré ceux qui veulent me foutre à août. J'apporte une touche de réel, une touche de modestie. Fidèle à moi-même car la plupart ici me sous-estiment. Pas question que j'improvise, j'arrive à l'improvise. Tout est calculé car j'ai pigé que le plus malin profite. J'apporte une touche de réel, une touche de modestie. Fidèle à moi-même car la plupart ici me sous-estiment. Pas question que j'improvise, j'arrive à l'improvise. Tout est calculé car j'ai pigé que le plus malin profite.